au fond du fond et à fond. Pinaudien, pinaudienne, amis du monde et d'ailleurs, c'est Cargo Cult. Et bienvenue dans cette édition, un classique là pour le peu, en tout cas un classique des disques cultes. Ou l'inverse, ça marche dans les deux sens. Robert Wyatt et son fameux Rock Bottom de 1974. On aura rarement eu un nom aussi bien nommé pour un album. C'est tout ce disque est rempli d'un spleen abyssal. Robert Wyatt touche le fond, oui. On sait pourquoi, mais on y reviendra. Et il rebondit. Et ma foi, Robert Wyatt est plus que quelqu'un qui rebondit. C'est une étoile au firmament aujourd'hui. C'est un soleil à lui tout seul. Et ma foi, cette naissance d'un Robert Wyatt libéré de ses démons, puis libéré de sa pré-carrière avec Soft Machine, mais j'y viendrai peut-être un petit peu plus en détail, va se révéler là, ça va jaillir en 1974. Alors, situons un petit peu le truc, parce que j'ai envie de dire, on connaît tous Robert Wyatt, mais on ne connaît pas tant que ça. En plus, la nébuleuse qui encadre à la fois l'aura culte de l'album qu'on va dépeindre aujourd'hui. Donc, je rappelle, Rock Bottom, c'est vraiment ce rock du fond. L'expression Rock Bottom, d'ailleurs, ne s'applique pas juste au rock. Hein. Rock Bottom, c'est ça, c'est toucher le fond, c'est être au bas du bas. La carrière de Robert Wyatt est évidemment déjà extrêmement lancée. C'est une star, c'est le batteur fondateur de Soft Machine. Donc Soft Machine, c'est ce groupe phare du progressive rock anglais. Et alors un progressive rock pour le peu, certainement le plus malin de l'époque, le plus en accointance avec les expressions free jazz et même d'autres avant-gardes qui peuvent entourer ce rock de recherche, le rock progressif. Alors non, finalement, sitôt bien nommé, qui devenait ringard après, mais voilà, Soft Machine est au cœur de ça. Pensez donc, déjà s'appeler Soft Machine, c'est un clin d'œil, faut-il le rappeler, au livre éponyme de William Siegfried Burroughs, et son fameux Machine Molle en français, ou Soft Machine. Machine Molle, on y viendra aussi, parce que vous allez voir, c'est le nom d'un groupe sympa. Cette bande est réunie, ça c'est très amusant de le dire, il y a une scène à Canterbury, et d'où vont émerger les groupes prog rock, évidemment les plus intéressants. Alors Canterbury c'est pas très loin de Londres, mais c'est quand même hors de Londres, quoi. C'est à l'est de la ville, c'est à peu près à 50 km et voilà. Célèbre pour sa cathédrale juste alors, et puis qui à partir de la fin des années 60 va sortir des groupes très influents, au point qu'on va même parler de la scène de Canterbury, mais on va même parler d'un genre, voilà, le Canterbury Sound. Soft Machine, ok, en tête, mais aussi Gong, Caravan, il y en a quelques autres, au point que ça va aimanter finalement les têtes chercheuses de Londres qui vont se retrouver là-bas, avec des gens comme Henry Cow, d'où sortira Fred Frith. Fred Frith va participer à l'album qu'on va entendre là aujourd'hui. Donc vous allez voir, tout ça est une nébuleuse qui va s'articuler en fait à un moment précis, 1974, sur ce disque de Robert Wyatt. J'évoque un petit peu ce qui se passe avant. Bon, Soft Machine, c'est quand même un groupe tutélaire. Il y a quatre albums avec Robert Wyatt. ou trois, je ne suis plus très sûr, non, il y en a quatre. Le groupe se forme tôt, hein, en 1966, hein, donc autour de... Alors, les membres fondateurs, hein, ils sont tous assez connus parce qu'ils ont tous rayonné dans leur genre, outre, bien sûr, Robert Wyatt, il y a David Allen et Kevin Ayers, qui sont les... un peu les piliers, quoi. Et j'oublie pas non plus Mike Rutledge, au clavier lui aussi. Robert Wyatt, dès le départ, va se distinguer par son jeu de batterie ultra fin, hein, beaucoup plus jazz que rock. C'est pas quelqu'un qui martèle, hein, c'est pas Led Zeppelin, si vous voulez. Et ma foi, c'est déjà quelqu'un qui chante. Quand bien même, finalement, il n'est pas là pour mettre sa voix en avant. Et c'est intéressant parce que il chante comme il joue de la batterie. Il y a quelque chose comme ça avec des accents assez proches d'un registre de conte, hein, dans le chant comme ça, très académique. Ça chante assez haut, ça susurre pour dessiner des mélopées plus que des mélodies, j'ai envie de dire. Il y aura des dissensions dans le groupe, comme dans tout groupe de l'époque, j'ai envie de dire. Donc, après le quatrième album de Soft Machine, qui s'appelle Fourth, tout comme le troisième s'appelait Third, on ne faisait pas trop compliqué finalement à ce moment-là. Le Clash, bon, Clash sans trop de dégâts d'ailleurs, mais Robert Wyatt décide de partir seul et il monte son propre groupe. Il y a un groupe vachement intéressant qu'on suivra sur deux albums, presque deux et demi, mais dont la carrière est extrêmement, va en fait nourrir l'album dont on parle aujourd'hui. Et ce groupe s'appelle, écoutez-moi bien, Matching Mall. Voilà, donc si on traduit littéralement Matching Mall, donc expression anglaise, que Brodeder est une expression en français, ça fait les taupes qui correspondent. Mais Matching Mall doit effectivement nous évoquer Machine Mall, la traduction littérale en français de Soft Machine. Soft Machine, à la fois le groupe qu'on vient de nommer, mais évidemment le bouquin éponyme de William Siegfried Burroughs, qui paraît pas très très longtemps avant la formation de Soft Machine, hein, d'ailleurs. C'est dire qu'il y a quand même comme ça cette intelligentsia prog-rock qui est quand même très connectée sur l'avant-garde qui l'entoure, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit musicale et consort. Donc Wyatt va fonder Machine Mall. Et enfin, peut-être trouver l'expression qu'il cherche, c'est-à-dire, il va y jouer de la batterie, mais aussi d'autres petits instruments, notamment du mélotron. C'est les Beatles qui ont mis en avant un petit peu l'utilité du mélotron, qui est en fait un proto-sampler. Proto-sampler qui fait usage de la bande magnétique. Et qui va la pitcher à différentes vitesses, donc du coup, moduler différentes hauteurs de son en fonction de la vitesse programmée. Ça paraît évident, mais bon, à l'époque, ce genre d'instrument est totalement nouveau et puis surtout pas très fréquent. Hein. Donc, y a deux albums comme ça qui sortent coup sur coup. Ils sont étonnamment modernes. Hein. En les écoutant encore aujourd'hui, c'était une usine à samples. Il y a quelques trip-hop artistes qui ont été piochés là-dedans. Là où il faut quand même l'admettre, Soft Machine reste daté aujourd'hui. Quand on écoute Soft Machine, on est conscient d'être dans un pilier des années 70. Mais des années 70. Robert Wyatt, lui, va inventer le spleen des années 80, dès le début des années 70, et notamment dès la jeunesse de Rock Bottom. L'album, il sort en 1974, certes. Et après un dramatique accident, j'y viendrai. On a présenté ce disque comme ça, le disque de la Renaissance après le drame, mais non, c'est un disque qui est déjà un petit peu dans les boîtes, dès 1972, et dont en fait la jeunesse nous renseigne un petit peu. C'est un disque dont l'inspiration vient de Venise. C'est un disque dont l'inspiration vient donc de l'eau. Ce thème aquatique, il est omniprésent dans l'album, omniprésent dans les références des titres même, mais dans la sonorité. Il s'avère que en résidence et en villégiature à Venise, spécialement d'ailleurs à Giudecca. Giudecca, c'est cette île qui est une bande de lagunes, si vous voulez, en face de Venise elle-même, et qui est juste à l'opposé de Venise et qui donne sur le Grand Canal. C'est ultra sonore, spécialement en hiver, là où Robert Wyatt est là. Alfie, qui est en fait sa compagne, Alfreda, va, pour passer le temps, lui offrir un petit orgue. C'est un orgue assez cheap, c'est l'orgue Riviera. Mais c'est un orgue électrique assez transportable. Et pour Robert Wyatt, c'est pain béni. Et il va commencer à noter plusieurs idées de chansons, des mélodies, etc. Et qui sont finalement en lien direct avec ce son de Venise. Wyatt dira être complètement fasciné par ce son-là, spécialement quand la marée descend. Et il nous dit, c'est très beau, qu'il y a tous ces petits crabes qui s'agitent dans la mousse à la limite de l'eau. Et il a essayé de retranscrire ça. C'est quelque chose qu'il trouvait très fort et très, très évocateur. Et ce que dit pas Wyatt, mais je suis convaincu qu'il y a un lien conscient avec ça, c'est qu'il est en relation avec un compositeur important, qui est Luigi Nono. Luigi Nono, il est originaire de Venise. Et en fait, toute son œuvre, ou presque, elle est baignée au sens propre du son de Venise, et en tout cas de l'aspect liquide de Venise. Et là encore, cette montée des eaux, ces petits ressacs, ces petits rythmes comme ça qui s'imposent quand l'eau du grand canal, comme ceux des petits d'ailleurs, va comme ça rebondir sur les murs de la ville. Il faut avoir vu Venise et enregistré Venise pour se dire ça. La ville la plus enregistrable du monde, mais pensez donc, puisqu'elle est débarrassée des moteurs. En tout cas, des moteurs de voiture. Cette parenthèse est importante. Mais une autre parenthèse et qui sera fatale à Robert Wyatt, c'est effectivement quelques problèmes liés avec la boisson à l'époque. On ne parle pas trop d'autres psychotropes dans l'entourage de Soft Machine. Mais enfin, chez Robert Wyatt, il y a clairement un problème avec l'alcool, mais qui commence à se manifester très précisément, et c'est ça qui est amusant, c'est touchant, et Robert Wyatt en parle du coup avec humour, en lien strictement fort avec la musique. Il se trouve que Soft Machine va être en première partie d'une tournée de Jimi Hendrix en 1968. Pour un groupe comme Soft Machine, ouvrir le bal de Jimi Hendrix, qui est au sommet de son art et qui est attendu par 5000 personnes en délire dans des salles de concert, enfin dans des parcs de concert, voire des stades immenses. Bon, on ne fait pas de concert dans les stades à ce moment-là, mais enfin, l'ambiance est quasiment là. Pour Soft Machine, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et pour pouvoir surmonter cette terreur, un copain batteur, un autre copain batteur, et pas le moindre de Robert Wyatt, c'est-à-dire Keith Moon. Keith Moon, c'est le batteur des Who. Finit très mal, hein, Keith Moon. Bon. Lui enseigne l'art de mélanger le Southern Comfort et la tequila. Alors, Southern Comfort, c'est un espèce de brandy dégueulasse pour mamie qu'on sert dans le Middle West. Boisson typiquement américaine. Et le tout mélangé de la tequila. Allez pas chercher du bio là-dedans. Mais entre les mots, on comprend que ça casse bien. C'est les faire chercher. Et ça donne des ailes à Robert Wyatt, et puis bien sûr le reste de la bande de Soft Machine à ce moment-là pour monter sur scène. Bon, tout ça pour dire que même s'il y a quelque chose de très intello chez Soft Machine, on y aime bien la beuverie. Mais voilà, en juin 1973, la beuverie de trop, la beuverie fatale. Beuverie qui va alors réunir, on est très renseigné sur l'histoire. Et comme je vous dis, Robert Wyatt, on parle avec plutôt détachement, et voir un certain humour aujourd'hui. Il y a les gens de Gong, donc c'est la même clique hein, de Canterbury que je citais, Henry Cow, Fred Frith, qui est son pote, et O'Quinn. O'Quinn, c'est le groupe mentoré par Michael Moorcock, mais surtout avec comme leader et figure charismatique, Lemmy, le bassiste, Lemmy Kilmister, qui va devenir effectivement la figure imposante de Motorhead. Et ça, c'est quelques années après. Bon, c'est très bien que Lemmy Kilmister ne buvait pas de l'eau. C'était fatal, il ne fallait pas faire de mélange. Alors, trêve de plaisanterie autour des usages finalement alcoolémiques de cette génération-là, mais ils ont été rattrapés par bien d'autres. Mais retour à l'accident. Puisque Robert Wyatt, sans le savoir, se rend au quatrième étage d'une salle de bain, il tombe de la fenêtre, balaboum, il survit à une chute de quatre étages, mais il survit miraculeusement, et il y laisse sa colonne vertébrale. Fracture de la colonne vertébrale, Robert Wyatt se retrouve à l'hôpital dans lequel il va rester 8 mois. 8 mois pour sortir de là Robert Wyatt. Et sur ces 8 mois, il va y avoir 3 mois sur lesquels, pendant lesquels il va être strictement allongé, en étant immobile, quoi, et nourri juste par perfusion et en suçant quelques liquides à la pipette. Bon, c'est un drame, c'est un drame en soi, mais alors maintenant, imaginez la puissance d'un drame comme celui-là quand il s'agit d'un batteur. On parle d'un batteur. Sa carrière est finie, il n'y aura plus de batterie, on n'en parle plus, quoi. C'est même pas imaginable. Or, pour Robert Wyatt, bah c'est peut-être la résurrection, c'est peut-être la manière de finalement enfin sauter le pas, se libérer de son complexe de chanteur-batteur. Il disait lui-même, je voulais faire les deux, mais comment faire les deux ? Évidemment, ça s'y prête peu. Bon, certains l'ont fait, hein, ça le dit. Hein. Mais bon. Donc du coup, Robert Wyatt va abandonner son travail au sein du groupe Machine Mall, hein, parce que justement, incapable d'assurer la batterie. Mais il y a déjà, et ça je remonte à cette genèse de Venise, il y a déjà des chansons importantes de l'album qui y figurent, notamment Sea Song, la chanson de la mer. Quand je parlais de l'importance de l'élément liquide, cet univers aquatique, c'est exactement ça. Et c'est la chanson qui ouvre d'ailleurs l'album. Et puis il y en a d'autres, Her Life, Last Stroke, qui sont devenus aussi des classiques qui vont un petit peu illuminer cet album. Donc, certes, rien n'est finalisé avant l'accident, mais il y a déjà quand même des traces. Alors, remontons un petit peu sur cet album. C'est pas le premier de Wyatt, attention. Il y en a eu avant. The End of a Ear, la fin d'une oreille. C'est un peu dramatique, il sort en 70. Voilà, un spin-off comme ça de Wyatt qui s'échappe de South Machine, mais enfin qui garde quand même le même entourage. C'est un disque très intéressant d'ailleurs, assez foutraque, très free, expérimental finalement, d'une façon un petit peu nouvelle à l'époque. Peut-être moins nouvelle que le sera Rock Bottom, mais dans un sens Rock Bottom est beaucoup mieux cadenassé que ce The End of an Ear. Si vous cherchez comme ça des références à Ornette Coleman et des surgissements free, quasi noise par moment, allez sur ce disque, il est assez phénoménal. Bon, il n'est pas du tout promotionné à l'époque. Rock Bottom le sera. Ça ne va pas être un tube instantané, non, loin de là. Mais attention, c'est un disque qui va de facto marquer, comme ça, l'histoire. On couvre du NME. Et ma foi, c'est un disque, et là, on va rentrer un peu dans la structure de ce disque, d'une certaine manière, dans la façon dont il est fait, mais il y a énormément de secrets qui n'ont pas été délivrés autour de ça. C'est quand même un avant, un après, c'est une façon de faire qu'on n'a jamais eu jusqu'alors et qu'on n'aura pas tant que ça après. C'est un disque assez lent, vous allez voir, tapissé de drones et de textures qui sont fondamentalement pas pop, hein, pas plus que rock d'ailleurs. C'est un disque matière, un disque matière au sens matière sonore, quoi. Et tout ça, au profit, à l'illustration de sentiments de... Même si Robert Wyatt disait que les textes n'avaient pas spécialement d'importance dans ce qu'il écrivait, ma foi, il y a quand même quelque chose d'assez déchiré, une vraie mélancolie qui mène ce disque. Bon, on le serait à moins. Je rappelle quand même l'accident dramatique qui aurait pu coûter la vie de Robert Wyatt, et qui, quoi qu'il arrive, lui coûte l'usage de sa colonne vertébrale. Dès lors, Robert Wyatt sera donc paraplégique et vit encore aujourd'hui sur un fauteuil. Le 600 d'ouverture, qui est le tube... L'expression tube mérite plusieurs parenthèses quand même. C'est d'emblée le morceau le plus captivant, dans le sens où il est assez évident, mais en fait, malgré l'évidence, il est loin d'être simple, quoi. Je reprends comme ça un écrit de Philippe Godin. Philippe Godin a écrit justement sur l'album Rock Bottom, dans cette collection qui s'appelle Discogonie. Je recommande d'y jeter les yeux parce que c'est, voilà, c'est une analyse, c'est un petit peu un cargo culte écrit, si vous voulez, sur un album et une histoire qui l'entoure. Donc, en empruntant sa remarque, il dit avec justesse que derrière la simplicité et le dépouillement de six sons se loge un mystère structurel. Un mystère structurel qui l'éloigne des formats de bass-song traditionnels. Hein. Et il souligne l'émergence d'un chorus harmoniquement instable. C'est intéressant, hein, avec le mirage d'un refrain qui ne vient jamais. Et ma foi, ça peut s'appliquer à d'autres thèmes du disque, parce que les titres sont en demi-teinte, tout en gardant une fraîcheur assez inouïe. Je parlais de Sisson, maintenant si on note Alifib, qui est une chanson d'amour directement dédiée à sa compagne, Alfie, Alfreda Binge, qui s'accompagne à ce moment-là, mais ils vont se marier le jour de la sortie de l'album. C'est intéressant. Je ne sais pas s'il est fait exprès. D'ailleurs, ça a été pris en photo de partout. C'était dans les photos dans le NME. C'était finalement une forme de com' assez, même si ça ne se voulait pas en être, assez pertinente. Mais je reviens sur ça, puisque là-dessus, il y a des... Robert Wyatt va un petit peu laisser le pas aussi à une technologie. Et il y a des effets. Il y a des orchestrations, des arrangements, de mixage qui sont finalement peut-être très inspirés par la production qu'il y a là. Et la production, là encore, elle est confiée à un ami batteur, et puis pas le moindre, elle est confiée à Nick Mason. Nick Mason. Oui, alors comme ça, on ne voit pas Nick Mason, mais c'est le batteur des Pink Floyd. Ah oui, on est entre gens de la haute, j'ai envie de dire. Pink Floyd sont à leur sommet. Je pense qu'en 1974, c'est l'année l'album Dark Side of the Moon vient de sortir, quoi. Donc tout va bien pour les Pink Floyd. Et Nick Mason, qui n'a pas produit énormément de disques, a été une tête chercheuse sur ce coup-là, absolument extraordinaire. Et ce disque, quand bien même il est rempli d'effets, il n'est pas là pour les mettre en avant, mais comme on aime bien avoir une oreille un peu geek dans cette émission, sur Cargo Cult, autant quand même un petit peu nous chatouiller l'oreille à l'avance. Il y a une pratique de l'overdub comme ça, assez insensée, mais aussi très habile. Je pense notamment à des effets de tape et de reverse qu'on entend beaucoup, mais alors qu'on n'entend pas de façon brutale. Ça se fait comme ça, de manière un petit peu cross-fédée sur des éléments. Voilà. L'utilisation du phasing, d'outils, de phaser à proprement parler, qui vont faire tourner comme ça un signal, lui donner un effet Doppler et une stéréophonie relativement insensée, ça marque pratiquement la continuité de l'album. Des chorus aussi saisissants sur lesquels la voix elle-même va s'articuler en fonction de ce thème aquatique, plus ou moins volontaire d'ailleurs, de l'album. Il y a une section de cuivre. Alors, une section de cuivre, c'est pas très, très commun dans les disques rock, pop et même rock progressif de l'époque. Section dont on nommera d'ailleurs Gary Windows à la trompette. Gary Windows, lui, va s'occuper du sax ténor et puis de la clarinette basse, et puis du clarinette aussi standard. Et à la trompette, Mongozi Feza. Je les nomme parce que c'est une section qui brillera un petit peu. Mongozi Feza va mourir l'année d'après. Et il y a notamment quand même une introduction d'un titre les plus forts du disque, qui Little Red Robin Hood Hit the Road, qui existe en deux versions d'ailleurs, qui laisse entendre justement cette trompette, mais presque à la façon dont Terry Riley avait pu l'exploiter avec des décalages et des délais. C'est absolument merveilleux. Ça s'ouvre comme ça, comme un parterre, quoi. Parterre sur lequel vont s'exprimer alors tout un groupe de musiciens, parce qu'en fait il y a beaucoup de monde, hein, outre Robert Wyatt, il y a donc sa copine, la fameuse Alfie, qui donne un petit coup de voix. Mais je vous parlais de Bollinge, il y a Mike Oldfield à la guitare. Voilà. Mike Oldfield vient lui aussi de sortir son album référent qui va se vendre, mais alors ne pas lanquer d'exemplaires, bien plus que Robert Wyatt, c'est le fameux ça m'échappe, Tubular Bells. Voilà, donc cette section de cuivre que je la rappelais. Fred Frith, le copain Fred Frith, et pas à la guitare, au violon. Oui, Fred Frith est aussi un violoniste, et il l'utilise parfois, hein, ses propres productions. Mais on a tout fait d'identifier Fred Frith comme un guitariste, et pour cause. Fred Frith est issu de la tribu Henry Cow. Hugo Hopper, qui lui venait de Soft Machine, bien sûr, mais pas dans le format d'origine. Nick Mason, les producteurs. Voilà, je suis sûr que j'ai pas tout mis. Ouais, Dirac travaillait comme un animal sur ce projet-là. Il partait de quelques notes et de séquences d'accords qui étaient exécutées au piano, qu'il avait d'abord un petit peu mis en boîte d'ailleurs avec son fameux orgue offert par Alfie lors de le séjour deux ans avant à Venise. Puis voilà comment on va se créer un mythe, quoi. Alors vous allez voir, je reviens sur ce travail de matière, sur ce découpage. Il y a une grande science du montage aussi sur ce disque. Puis ma foi, autant dire in fine, du mixage, hein, parce que c'est ce qui finalement à la fin crée aussi le produit, quoi. Bienvenue dans ce disque culte parmi les cultes, un classique des classiques, c'est le Rock Bottom de Robert Wyatt sur Cargo Cult, disque de 1974. Bonne écoute. Spring. I know you're a seasonal beast, like the starfish that drift in with the tide, with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon,

Alifee, my lord, Alifee.

cups get too heavy, I'll fill up your belly. I'm not your larder. I'm Alifee, your garder. I fight with the handle of my little brown broom. I pull out the wires of the telephone. I hurt in the head and I hurt in the aching bone. Now I smash up the telly with remains of the broken phone. Fighting for the crust of the little brown loaf. I want it, I want it, I want it, give it to me. I give it you back when I finish the lunch tea. Quel monument! Et puis quelle construction, quoi! C'est, à la réécoute, je me dis qu'il y a une architecture absolument incroyable, charpentée comme c'est pas permis, et en même temps mobile, liquide, comme le suggère finalement la jeunesse de ce disque, qui, comme je vous le disais en prélude, était influencé par le son de Venise. Au moment où résidait Alfie, la compagne donc de Robert Wyatt, et lui-même à Giudecca face à Venise, hein, sur la lagune de Venise en 1972. Donc, quel disque, non ? Donc, à la sortie de ce disque, le couple se marie. Je trouve que c'est bien de le signaler quand même. Et voilà. Et surtout enchaîné avec une scène. Et l'affiche avait fait grand bruit quelque part, parce qu'elle était l'affiche montrait, il faut que j'essaie de la retrouver en plus devant moi, parce que forcément je préfère vous la commenter en vous la montrant. Ce qui est important à savoir, c'est que mais voilà que je la retrouve pas, hein, c'est agaçant. C'est qu'elle est, elle monte tous les musiciens, elle monte toute la totale, ni plus ni moins, que sur un fauteuil. Ce qui nous fait finalement donc un line-up avec en tête, évidemment, Robert Wyatt. Autour de Robert Wyatt, et ça, il faut que je retrouve le genre, parce qu'il y a quand même vachement de beau monde. Il y a Julie Christie, il y a... tiens, voilà, j'ai l'affiche originale qui s'affiche. Fred Frith. Fred Frith qu'on entendait à la fin de ce morceau au violon, j'insiste là-dessus. Quand bien même, on sait bien qu'on l'identifie davantage à un guitariste, quoi. La même section de cuivre qu'on entendait là, Nick Mason, lui, prend la batterie en vrai de vrai. Je rappelle que Nick Mason, batteur des Pink Floyd, est ici sur ce disque. Il a un rôle essentiel, hein. Il est le producteur, il est au mixage. Donc il fait quand même un travail colossal. Voilà, Hugo Pert, Julie Tippett, je crois que je l'ai mentionné déjà, et Michael Field lui-même. Donc tout ce beau monde va faire un concert assez mythique. Dont je nous réserve quelques notes pour la sortie. Mais surtout, va faire presque du fauteuil de Robert Wyatt. Parce que forcément, à partir de l'accident, il est sur un fauteuil, et aujourd'hui, il y est encore. Voilà, bah, ils font du fauteuil un instrument quasi rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire que tout le monde pose avec un fauteuil sur les marches du théâtre. Ça en jette pas mal, ça fait l'affiche, ça fait la couve du NME. D'une certaine manière, ça fait un buzz, et voilà, et Robert Wyatt, il est toujours là. Alors j'ai presque envie de rester sur vraiment cette année-là, l'année 74, et en guise de sortie, je nous offre justement quelques notes de ce concert. On pourrait, hein, reparler de Wyatt à de longueur éternam. Il y a une précieuse. Ce disque est vraiment le disque qui va peut-être achever, de manière involontaire certainement, mais quand même achever le progressive rock et les années 70 pour initier une forme de songwriting plus typique des avant-gardes des années 80. Robert Wyatt est pile poil à cette charnière-là. Il va largement résister aux années 80 et au-delà, puisqu'il est, il produit toujours des titres finalement de plus en plus jolis. Et probablement j'y reviendrai un jour, parce qu'il y a des très très chouettes choses de Robert Wyatt, y compris des franges très expérimentales, plus encore que ce qu'on a pu entendre là. Donc il y a quelque chose de protéiforme chez lui, mais ça étonne personne, parce que bon, aujourd'hui c'est comme une référence qu'on ne peut pratiquement pas oublier et à laquelle on n'échappe pas. Mais alors je reviens sur ce concert donc, du Royal Drury Lane, enregistré très exactement le 8 septembre 1974. Bah, j'y remets quelques-uns des morceaux qu'on a écoutés là, mais ceux qui sont un petit peu en demi-teinte et que j'aime beaucoup en version live, justement. Là où les morceaux qui ont une très forte élaboration en studio, finalement, passent peut-être moins à la scène, et pour des raisons assez évidentes, finalement. Donc j'en veux justement A Life et Alifib, c'est les deux morceaux d'amour, c'est les deux morceaux intimes qui sont finalement des déclarations d'amour un peu ironiques à sa chérie. Et puis Instant Pussy, où il y a Instant Pussy, voilà, je laisse traduire, et tout ça avec des miaulements de chat et une voix, on a reproché à Robert Wyatt de miauler un petit peu dans ses chansons. Et ben lui, ni deux, il a pris le truc au mot et il s'est mis à miauler véritablement. Et vous allez clairement l'entendre là sur ces morceaux de sortie. Donc voilà, c'est la fin de notre Cargo Cult. Je suis très heureux que vous ayez été là pour Robert Wyatt et pour Rock Bottom. Voilà, c'est Rock Bottom Extended d'une certaine manière avec cet album live, enfin qui sort de façon postérieure quand même, très postérieure au disque. Mais ce qui est étonnant, c'est que le disque lui-même, il faut le rappeler, est enregistré et mis en boîte finalement assez peu de temps après l'accident. Accident qui a valu quand même 8 mois d'hôpital à Robert Wyatt, dont 3 mois allongés. Et puis, bah, dans la foulée du disque, le concert, dont voici la bande-son. Il y a quand même de la force chez ces gens-là. C'était Cargo Cult. Passez une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Thank you. Cos IQ a nas lwrwys ni na arni dŵr a acses na laga ni asra Con rana a ffisgau O mai gwlau yw yw Elfi mae loda Elfi mae loda Naw ni no Ni naw no Thank you.